Jeune homme irrité sur un banc d'école, dont le cœur encore n'a chaud qu'au soleil. Vous refusez donc l'encre et la parole à celles qui font le foyer vermeil ? Savant, mais aigri par vos lassitudes, un peu furieux de nos chants d'oiseaux, vous nous couronnez de railleurs roseaux. Vous serez plus jeune après vos études. Quand vous sourirez, vous nous comprendrez. Vous portez si haut la férule altière qu'un géant plierait sous son docte poids. Vous faites baisser notre humble paupière et nous flagellez à briser nos doigts. Mais où prenez-vous donc de si dures armes ? Qu'ils étaient méchants, vos maîtres latins. Mais l'amour viendra, roi de vos destins. Il vous changera par beaucoup de larmes. Quand vous pleurerez, vous nous comprendrez. Ce beau rêve à deux, vous voudrez l'écrire ? On est éloquent dès qu'on aime bien. Mais si vous aimez qui ne sait pas lire, l'amante à l'amant ne répondra rien. Laissez donc grandir quelques jeunes flammes, allumant pour vous ces vagues rayons. Laissez-lui toucher plumes et crayons. L'esprit, vous verrez, fait du jour à l'âme. Quand vous aimerez, vous nous comprendrez.